de l'ULB, le 20 avril, il y a coup. Alors, le 20 avril aura lieu, ici, à la deuxième heure de cours, le briefing ou les stages de communication marketing et corporate de l'année académique prochaine. Ce briefing vous sera donné par Madame Cousteau et Greves. Donc ce briefing s'adresse uniquement aux étudiants de l'ULB. Il aura lieu lors de la deuxième heure du cours du 20 avril. Ce qui signifie que le 20 avril, je donnerai cours la première heure, les étudiants IEX seront libérés à 13h, et je demanderai aux étudiants ULB de rester dans l'auditoire pour recevoir le briefing relatif au stage. Alors vous faites passer le mot pour les absents. Donc cette deuxième heure ne s'adresse qu'aux étudiants du ULB, mais évidemment Mme Greves et Cousteau m'ont demandé de faire en sorte que tous les étudiants du ULB soient présents, parce que ce sera la seule séance de briefing qui aura lieu avant les stages, avant de débuter normalement en été. Voilà. Donc j'ai relayé le message pour demander de vous passer. Donc le 20 avril, les étudiants du ULB seront libérés à 13h, les étudiants du ULB seront priés de rester dans l'auditoire pour pouvoir recevoir le briefing. Bien. Alors après cette interruption de deux semaines, au cours de laquelle j'espère que vous avez pu reprendre vos notes du premier cours et vous procurer l'ouvrage de cours et déjà parcourir les slides qui sont disponibles sur l'université virtuelle. Je vais reprendre le cours là où je m'avais laissé lorsque nous nous sommes vus. Je vous rappelle les 6 questions qui structurent une stratégie de communication marketing. La question du why, pourquoi. La question du qui, à qui s'adresse-t-on. La question du what, quel message, quel positionnement et quel message nous ont fait passer. La question du how and when, donc qui est la question du choix de cadre de communication. La question du how much, qui est la question du budget de communication. Et la question de what results, qui est la question relative à l'évaluation des résultats et des retombées de la campagne. Dit que si vous deviez retenir une seule chose de ce cours, vous retenez que cette articulation qui constitue en fait la structure et le plan d'une stratégie de communication marketing intégrée. J'ai attiré également l'attention lors de ce premier cours sur le fait que la communication marketing n'est pas qu'une question de produits et de services commerciaux, mais qu'elle peut s'appliquer à d'autres aspects de la vie en société. Pas forcément lucratif, tels que des causes humanitaires, des partis politiques, le domaine culturel, le domaine médical, le domaine social plus général. Nous avons entamé la première question qui était la question du why lors du premier cours. Et j'étais occupé dans le second chapitre qui est toujours attaché à cette question du why, où nous avions terminé le cours précédent sur l'étoile qui définit un concept très important de la communication marketing qui est lui-même issu du marketing, qui est ce qu'on appelle la brand equity. Je vous rappelle que la brand equity, qui est une méthodologie permettant d'analyser et d'évaluer la valeur communicationnelle d'une marque, qui se compose de 5 branches. Une branche dans laquelle on va étudier la notoriété de la marque, awareness. Une branche dans laquelle on va s'attacher à l'imagerie et à tout le ressenti de la marque. Une branche qui s'attache à l'analyse de la fidélité et de la loyauté envers la marque. Une branche qui s'adresse aux éléments factuels et matériels de performance, tels que la performance et la qualité du produit, et un élément, une dernière branche relative aux autres actifs tels que la qualité du réseau de distribution, les places laissées en linéaire, ainsi que les brevets et exclusivités qui donnent un avantage compétitif à la marque. Lorsque vous avez ces 5 éléments, vous disposez d'une vue correcte sur ce que représente, ce que vaut réellement la marque ou le produit. Et je répète encore une fois que comme je parle de marque et de produit, c'est d'une manière extrêmement générale. Donc on peut dire Médecins sans frontières, mais c'est une marque. Un parti politique, c'est une marque. Un pays, c'est une marque. Donc je l'emploie d'une façon véritablement extensive. Alors, il y a une autre façon aussi d'analyser, toujours dans la question du why, d'analyser la marque, telle que je viens de la définir, qui est ce qu'on appelle la chaîne des means and chains, et structure d'association à la marque. C'est une manière autre, ou voire même complémentaire, d'analyser tout ce qui se rapporte à la marque au sujet de laquelle on va devoir communiquer. Je vais l'illustrer par un exemple. Vous allez voir qu'en fait, c'est une séquence, means and chains. Prenons le cas de la marque Bacardi Breezer et appliquons ce concept de chaîne moyen-fin à la marque Bacardi Breezer. Premier élément dans cette chaîne auquel on s'attarde, ce sont les attributs concrets de la marque. Quel est l'attribut concret du Bacardi Breezer sur son marché? C'est que c'est un produit qui contient moins d'alcool. C'est un élément concret. Il y a moins d'alcool dans le Bacardi Breezer que dans d'autres boissons du même type. Deuxième élément dans la séquence, ce sont les attributs abstraits. Les attributs abstraits qui sont liés au produit, qui sont intrinsèques au produit, c'est que ça remplit. Quand on boit un Bacardi Breezer, ça remplit. Il y a une certaine quantité que vous ingurgitez. Il y a moins d'alcool, mais c'est quand même une certaine quantité de boisson. Donc ça remplit. Le troisième élément dans la séquence, qui sont les attributs fonctionnels, qui sont les bénéfices, le bénéfice fonctionnel. Quel est le bénéfice de ces attributs concrets et abstraits, c'est que quand je bois du Bacardi Breezer, grâce au fait qu'il y a moins d'alcool et qu'il y a une certaine quantité de boisson, je vais en fait consommer moins d'alcool. Ça, ce sont les bénéfices fonctionnels. C'est une manière de réduire sa consommation d'alcool sans réduire le plaisir qui s'y rapporte. Le quatrième élément dans la chaîne sont alors les bénéfices psychosociaux. Alors, les bénéfices psychosociaux, c'est grâce à Bacardi Breezer, grâce à tout ce qu'on a vu dans les éléments précédents de la séquence, eh bien, ça va me permettre d'éviter les effets négatifs liés à la consommation de l'alcool. Et de là, on va passer au cinquième maillon de la séquence, qui sont les valeurs instrumentales. Les valeurs instrumentales, c'est que grâce à tout cela, je suis plus en mesure de participer à la vie sociale. Je participe, je profite mieux et plus et pleinement de la vie sociale dans laquelle je suis intégré. Et valeur finale, donc en bout de chaîne, qu'est-ce qui résulte de tout ça ? C'est que j'éprouve un sentiment plus affirmé d'appartenance au groupe. Ça, c'est un exemple d'illustration de ce que means and change. J'ai dit, cet outil est complémentaire de la brand equity. Et vous verrez d'ailleurs de tout au long de ce cours, qui est un cours essentiellement de méthodologie de la communication, qu'il y a différents concepts qui sont développés, que parfois ces concepts sont complémentaires, qui peuvent être substituts l'un à l'autre, et ça fait partie de la distance critique que vous devez toujours avoir quand vous faites une stratégie, vous élaborez une stratégie de communication, que de déterminer quel est le moyen, quel est l'outil, quel est le concept le plus approprié qui vous aidera à élaborer la stratégie de communication pour laquelle vous avez été mandaté. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons dans ce cours ? Nous étudions et nous passons en revue. D'abord, nous avons une méthodologie générale, une structure générale d'approche d'une stratégie de communication. Quand vous ferez vos stages, un certain nombre d'entre vous seront sollicités par l'entreprise industrielle pour élaborer une stratégie de communication. Et comme on le voit d'ailleurs dans un nombre important de rapports de stage qui rentrent, que les étudiants rendent, eh bien, cette structure, cette méthodologie est très utile une fois que le stagiaire est amené, est mandaté par l'entreprise pour élaborer une stratégie de communication. Un peu une stratégie de communication de votre produit. Que ce soit une start-up, que ce soit chez Rossel une préférence, que ce soit dans une marque automobile, élaborer une stratégie de communication demande d'avoir une certaine structure de réflexion, une structure de pensée. Donc cette séquence en 6 questions est la première façon, et donc est la manière d'élaborer, vous donne le plan et la structure de la réflexion que vous allez devoir mettre en place. Et ensuite, pour chacune des sous-questions, vous allez devoir mobiliser des concepts. Un, nous avons vu une série de concepts, rappelez-vous, nous avons vu le SWOT au premier cours. Nous avons vu ici la question du brand equity, qui est un autre concept, et la chaîne moyen-fin est un autre concept. Ce sera à vous de voir, en fonction de la nature du secteur sur lequel vous travaillez, quel est ou quels sont les concepts que vous allez mobiliser. Donc, nous en avons vu ici un certain nombre d'outils sur les deux premiers cours en intégrant celui-ci. Et donc, l'outil Means and Chains peut soit complémenter une brand equity, soit la remplacer. Et ce sera à vous de voir en fonction du cas que vous êtes amené à traiter. Certains concepts conviennent mieux dans certaines situations que d'autres concepts. Je finis donc. Il y a d'autres éléments qui sont dans les chapitres, mais je pointe ici mon approche du cours et de pointer les choses essentielles dans chaque chapitre, ce qui ne veut pas dire que les autres éléments qui sont développés dans le chapitre ne sont pas intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus les étudier. Le fait que je n'en parle pas ne vous dispense pas de les connaître et d'en prendre connaissance. Ça pourrait faire l'objet de questions. Mais vu le nombre réduit d'heures de cours que nous avons, je me focalise sur les éléments que je considère comme majeurs ou comme vraiment ou essentiels que vous devez absolument maîtriser. On est bien d'accord. Donc ce dont je ne parle pas dans les slides doit malgré tout être connu et étudié pour l'examen. Ça ne vous dispense pas de le faire. Bien. Parce que je voudrais passer aujourd'hui avec vous la majeure partie du cours, et peut-être une partie du cours prochain devrait y être consacrée, au chapitre 3 du cours. Nous sommes toujours dans le why, donc on est toujours dans la première question, mais où j'aimerais maintenant qu'on s'attarde davantage sur le consommateur lui-même, qu'on s'attarde à la cible. Et qu'on essaie, et c'est ce que nous allons faire pendant toute la durée du cours d'aujourd'hui, que nous essayons de décoder et d'analyser le processus de traitement de l'information qui parvient au récepteur et que nous essayons de déterminer et d'analyser comment cette information est décortiquée, comment elle est traitée. C'est important. Donc c'est une partie qui est relativement théorique, mais elle est néanmoins essentielle parce que vous avez besoin d'avoir des concepts et vous avez besoin d'avoir des modèles à disposition pour pouvoir essayer de comprendre et comment ça se fait, comment est-ce que les gens traitent l'information une fois qu'ils la reçoivent. Quand une cible reçoit un message, qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus de traitement de l'information d'une cible qui est exposé à un certain nombre de messages? Ça va vous donner des pistes qui, vous le verrez par la suite, seront extrêmement utiles pour déterminer la nature du message, pour déterminer les canaux de communication et la manière de les articuler dans le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, considérons que le chapitre ici pourrait avoir une analogie sur le plan médical, si on faisait un parallèle. Nous pourrions parler de radiologie. Vous procédez à un certain nombre de radiographies. Vous allez utiliser des outils permettant d'examiner le patient, de voir ce qui se passe dans sa tête, pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête quand il est exposé à la communication, pour identifier les zones sensibles sur lesquelles, par après, nous allons appliquer une thérapeutique. Donc, sur laquelle, après, nous allons appliquer des traitements sous forme de messages qui seront codés d'une certaine manière et qui seront acheminés vers la cible à l'aide d'un certain nombre de canaux. Donc, c'est un chapitre théorique de compréhension. Ce chapitre est aussi est un chapitre extrêmement important et la probabilité est très élevée qu'il y aura au moins une question d'examen portant sur ce chapitre 3. Donc je vous engage à y prêter attention. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce chapitre ? Dans ce chapitre, on va trouver une série de modèles que je vais vous exposer vous permettant de comprendre comment l'information est traitée par les individus, comment la communication marketing est décodée et traité par les individus. Vous allez voir qu'il y a une série de modèles. Alors, il n'existe pas de modèle absolu qui, à lui seul, permettrait de tout comprendre, de tout expliquer, qu'on pourrait utiliser à chaque fois. Donc, ce sera à vous de voir, en fonction des cas que vous avez à traiter, lequel des modèles que nous allons étudier doit être mobilisé et utile. Quel est celui qui vous donnera la meilleure compréhension de la manière dont, pour le produit ou le service précis que vous étudiez, la façon dont l'individu traite l'information qui s'y rapporte. Et donc là aussi, il y aura une distance critique que vous devez mettre en œuvre. Alors, nous allons... Bien, donc... départ, pour comprendre comment des individus décodent et traitent des messages de communication, le point de départ, c'est ce qu'on appelle le modèle de hiérarchie des effets. Alors, avant ça, petite parenthèse, cela a été mis en évidence dans le courant de la fin du 19e siècle, il y a la fameuse expérience du chien de Pavlov, que vous connaissez, qui montre d'une façon tout à fait objective que vous pouvez faire adopter un comportement déterminé à un chien à partir du moment où vous le conditionnez, et si vous associez une récompense à une action, telle que si une action de tel type est toujours suivi par un cadeau sous forme d'un morceau de viande, par exemple, à force d'être confronté à cette expérience, le chien va se mettre à saliver. Donc c'est la fameuse expérience de salivation de Pavlov, où un chien est conditionné à adopter un comportement en sachant que s'y rattache une récompense. Donc, le chien voit un objet... on demande au chien, il se met à saliver parce qu'il sait que la conséquence sera qu'il recevra un aliment précis en récompense de l'action qu'il aura exécutée. Ça, c'était une des premières versions, une des toutes premières versions primitives de la modélisation en communication, en disant si on peut arriver à faire la même chose avec les êtres humains, c'est fantastique, la communication, on va pouvoir les conditionner. Et à force de les exposer à la communication, ils vont savoir quand ils verront une bouteille de coca, ils vont se mettre à saliver parce qu'ils vont vouloir l'avoir. Je vais avoir l'occasion de dire. Mais la véritable analyse du processus de communication a commencé avec le modèle de hiérarchie des effets qui a été présenté dans ses versions initiales tout au début du XXe siècle. Alors ce modèle de hiérarchie des effets, il est fondamentalement simple. Je dirais même simple ici. Il se compose d'une séquence en trois temps. Donc, dans la version initiale, telle qu'il a été présentée, disant « Tout individu qui est exposé à un message de communication, à partir du moment où il est exposé, ça c'est la condition, il faut être exposé, va entrer dans une séquence de traitement en trois temps. D'abord, une séquence cognitive, où on pourrait caractériser par faire connaître. une séquence affective qu'on peut caractériser par faire aimer et une séquence comportementale que l'on pourrait caractériser par faire agir. Donc vous voyez, c'est basique. C'est très simple. Tout traitement de l'information dans cette vidéo, tel que présenté par le modèle de hiérarchie des effets dans cette toute première version, comporte trois séquences, une séquence cognitive, une séquence affective et une séquence comportementale. On peut donc définir les missions de toute campagne de communication selon ce modèle comme consistant à faire connaître, faire aimer, faire agir. Quel que soit le produit ou service au sujet duquel vous allez communiquer, le but étant de faire adopter ce produit ou service par la cible, eh bien, il y aura une étape de faire connaître. Il faudra d'abord faire connaître le produit, ensuite le faire aimer, et enfin le faire adopter. Donc, c'est très simple, rien de très compliqué. Rien de très compliqué. Il y a des limites, évidemment. Il y a des limites. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de hiérarchie des effets. Alors, ce modèle a donné ensuite lieu à des critiques. Il a été critiqué positivement. On a dit, oui, mais c'est quand même un peu caricatural, faire connaître, faire aimer, faire agir, c'est un peu caricatural. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce qu'on peut vraiment dire que les individus fonctionnent de manière aussi basique? Et donc, les chercheurs, les psychologues, les comportementalistes ont décortiqué le modèle, ont effectué un certain nombre de travaux, et d'autres modèles ont vu le jour. D'autres modèles, mais toujours sous le chapeau modèle de hiérarchie des effets. Je ne vais pas détailler chacun de ces modèles. Il y en a un que je vais détailler plus particulièrement dans quelques instants. Vous devez savoir que ce modèle de base a donné suite à des débats entre psychologues, etc. Certains ont estimé qu'il fallait y ajouter la valeur d'attention, d'autres ont estimé qu'il fallait y ajouter la dimension de désir, d'autres ont estimé qu'il fallait introduire la dimension de conviction. Donc on a progressivement introduit un certain nombre de nuances dans des modèles. Vous voyez, le tout premier modèle est apparu en 1900, puis d'autres perfectionnements sont apparus. D'autres modèles sont apparus en 1911, en 1921, en 1961. Je vais m'attarder sur le modèle de Lavitch et Steiner parce qu'il présente une utilité particulière en communication marketing. Puis d'autres modèles, vous voyez, donc pendant 70 ans, ce modèle a fait l'objet de critiques, de raffinements, de nuances, de rajouts, en toutes sortes. Bien. Mais donc, à la base, et ceci est important, parce que c'est une première leçon. Quand vous avez une campagne de communication, on vous demande d'élaborer une stratégie de communication ou une campagne de communication, en fait, vous avez trois défis. En fait, qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous demande d'élaborer une stratégie de communication dans le but de faire connaître, de faire aimer et de faire agir. C'est important et c'est intéressant parce qu'il y a des cas où les campagnes donneront la priorité au faire connaître. Si vous lancez un tout nouveau produit, il faudra le faire connaître. Je prends l'exemple, on va relancer le Nokia 3310 dans quelques semaines, ce fameux téléphone mythique qui sera prochainement relancé. Bon, qui était un des tout premiers téléphones portables, qui va être relancé, eh bien, là, évidemment, l'objectif prioritaire de la campagne de relancement du Nokia 3310 sera évidemment de le faire reconnaître. Il faudra refaire connaissance avec ce téléphone. Ce sera le premier objectif. Ensuite, il faudra le faire aimer, et puis le faire réacheter. Mais la priorité, en cas de budget, parce que c'est très souvent le cas, quand le budget est réduit, on doit définir des priorités. Alors, quelle est la priorité? Est-ce que c'est de faire connaître? Est-ce que c'est de faire aimer? ou est-ce que c'est de faire agir ? Ce n'est pas toujours l'objectif d'une campagne de communication, n'est pas toujours d'atteindre les trois. Il y a des produits qui sont déjà bien connus, sur lesquels les travaux faire connaître n'a plus de réelle utilité parce que ce sont des produits qui sont déjà très bien connus, mais insuffisamment achetés. Donc, l'objectif d'une campagne de ce type-là n'est pas tellement de faire connaître que de faire aimer ou de faire acheter. Ou alors, il y a des produits qui sont bien connus, bien appréciés, mais qu'on n'achète pas. Donc, à ce moment-là, l'objectif de la campagne sera prioritairement faire acheter. Vous suivez ? Donc, ce n'est pas uniformément « Ah, il faut faire connaître, il faut faire aimer, il faut faire acheter. » Non, non, non. Ça peut être cela. Mais, vous voyez qu'il y a une notion de hiérarchie. Bon, c'est pour ça qu'on parle de hiérarchie des effets et que certaines campagnes mettront l'accent plus sur le faire aimer que le faire connaître, sur le faire agir que sur le faire, ou sur le faire aimer et le faire agir, ou sur le faire connaître et le faire aimer. Et ça, qu'est-ce qui va vous permettre de définir où vous devez mettre la priorité? Ben, c'est toute l'analyse que vous avez faite précédemment en fonction du brand equity, toutes les informations que vous aurez accumulées sur la notoriété du produit, les perceptions des consommateurs en eux, le réseau de distribution, le prix, etc. Ce sont ces éléments-là, cette connaissance que vous aurez acquise du produit, vous, en faisant l'audit, qui vous permettra de déterminer si c'est une campagne qui doit plus faire connaître, ou faire aimer, ou faire agir, ou les trois, ou combiner deux ces avantages. Et vous percevez déjà à travers ce que je dis qu'une des limites du modèle de hiérarchie des effets dans sa version initiale, c'est que cette séquence n'est pas toujours une séquence automatique. Il y a certains produits que l'on va d'abord, qu'on va aimer d'emblée alors qu'on ne les connaît pas bien, parce qu'on est séduit, ce peut être le cas d'un parfum. Prenez le cas de parfum. Un parfum, ben, on respire un parfum, ben, on est séduit ou on n'est pas séduit. Et puis, suivant qu'on est séduit ou pas, on va se renseigner, on va essayer d'en savoir plus. Donc là, dans ce cas-là, le consommateur se renseignera, il sera d'abord séduit, et puis il va se renseigner. Donc vous voyez que l'ordre cognitif-affectif-comportemental ne se passe pas toujours dans cette séquence, ne se déroule pas toujours dans cet ordre-là. Je vais y revenir, parce qu'il y a un modèle qui traite plus spécifiquement de cette articulation de la séquence dans le temps. Retenez donc que la grande majorité des modèles que nous voyons dans ce chapitre 3 trouvent leur racine dans le modèle de hiérarchie des effets. Et donc vous avez déjà des indications concrètes, et vous voyez déjà dans votre stratégie de communication à quoi ces modèles vont servir. Ils vont vous permettre de dire à un moment donné, doit-on recommander des canaux qui donnent beaucoup d'informations, ou doit-on plutôt mettre en place des canaux qui vont provoquer la séduction, tels que le cinéma? Le cinéma est un canal qui séduit. Le cinéma ne véhicule pas beaucoup d'informations. Le cinéma, il travaille l'affectif. C'est la séduction, c'est le rêve, c'est l'imagination. Alors qu'un quotidien, un journal, il diffuse de l'information. C'est assez sec. Il diffuse beaucoup d'informations. Mais un journal, ce n'est pas très séduisant. Un spot au cinéma, ça peut être très séduisant. Une page Facebook, ça parle à la raison, puis ça va parler aussi à l'émotion en fonction de qui se trouve de l'autre côté. Donc vous voyez que cette séquence, faire connaître, faire aimer, faire agir, a déjà des ramifications et permet déjà d'effectuer des tri quand on dit tel cadeau correspond pour le produit. Comme c'est un produit que nous devons faire aimer, ben on ne va pas prendre de la presse quotidienne, on va plutôt s'orienter vers des médias audiovisuels comme le cinéma parce que ça travaille plus l'affectif et la dimension du faire aimer, etc. Je vais avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est pour vous dire que cette séquence est loin d'être innocente. Ce n'est pas une notion théorique là qui flotte et qu'il faut pouvoir restituer correctement à l'examen. C'est quelque chose qui peut être utile et qui, croyez-moi, je parle d'expérience, est utile dans la vie de tous les jours quand on travaille en communication, et ça vous permet d'effectuer votre travail de manière plus efficace et en tout cas plus performante. Nous avons vu dans le tableau précédent qu'il y a eu dans les développements ultérieurs du modèle de hiérarchie des effets un certain nombre de raffinements qui ont été introduits, et il y a en particulier un modèle que je vais vous présenter ici qui, lui, attention, n'est pas très développé dans le livre. Donc le slide est plus explicite que le bouquin sur ce modèle-là, qui s'appelle le modèle de Lavitch et Steiner, qui est un modèle de la famille de hiérarchie des effets, mais qui introduit une notion complémentaire. Et cette notion complémentaire, c'est la notion de probabilité. Ce n'est pas parce que vous connaissez tout d'un produit que vous allez l'aimer. Il n'y a pas une relation automatique. Connaître ne veut pas dire automatiquement aimer. Aimer un produit ne veut pas dire qu'on va automatiquement l'acheter. Vous pouvez aimer les Porsche, vous n'allez pas forcément vous en acheter parce que vous n'avez pas les moyens de la payer. Vous pouvez être fan de Porsche, si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, vous ne l'achèterez pas. Donc, malgré que vous ayez un amour immodéré pour les Porsche, ben vous ne les achèterez pas. Donc, la relation n'est pas automatique. Donc, il y a un phénomène probabiliste. Ça, c'est l'avantage, c'est la qualité majeure du modèle de Lavitch et Steiner, c'est qu'ils ont introduit cette nuance probabiliste dans la séquence. Qu'ils ont, par ailleurs, légèrement étalé en disant l'IA, ils ont travaillé, les trois dimensions sont respectées, la dimension cognitive, la dimension affective et la dimension comportementale se retrouvent dans le modèle, mais elles sont présentées différemment. Et comment fonctionne ce modèle? Première étape, on passe par une étape cognitive. On va passer par une étape, selon Lavitch et Steiner, qui est cognitive. Pour pouvoir traiter de l'information, pour pouvoir traiter un message de communication, d'abord il faut y être exposé. Être exposé à un message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une salle de cinéma au moment où il y a un spot qui passe. Vous êtes assis dans votre voiture au moment où un spot passe à la radio. Vous êtes devant votre ordinateur quand un post apparaît sur Facebook. Donc, vous êtes exposé. Il y a un contact. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion de contact dans le chapitre consacré au media planning, au calcul des performances mathématiques d'un code. Donc, première condition, il faut être exposé. Si vous n'êtes pas exposé au message, parce que tout simplement la radio est éteinte dans votre voiture, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est ce que veut dire le stop. Si par contre, vous êtes devant votre ordinateur, qu'il est allumé et qu'un post apparaît sur la page Facebook, vous êtes exposé. Donc, il y a deux cas possibles. Soit vous êtes exposé, soit vous n'êtes pas exposé. Parce que là, ça vous m'arrête ici. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que je sais qu'il y a des années où, pour faute d'avoir osé poser, ou pas d'avoir voulu poser une question, après, vous ne comprenez plus et à l'examen, on n'avait pas compris la question. Ça va jusque-là? Bon. Donc, soit vous êtes exposé, soit vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Si vous êtes exposé, à ce moment-là, il peut se passer que soit vous allez percevoir le message, soit vous n'allez pas le percevoir. Immédiatement, comment ça se fait qu'on peut être exposé à un message et ne pas le percevoir? Oh, ben c'est très simple. La prochaine fois que vous serez devant votre télévision, observez-vous pendant quelques secondes et demandez-vous si vous êtes tout à fait attentif à ce qui se passe sur l'écran. Soit parce que vous êtes en train de lire, ou soit parce que vous êtes en train de manger, ou peut-être parce que vous êtes en train de dormir. La télé est allumée, donc vous êtes exposé. Vous êtes dans une pièce où il y a une télé allumée, vous êtes potentiellement vous êtes exposé au message, mais comme vous dormez, vous ne percevez pas. Ou parce que vous êtes en train de parler à votre copain ou à votre copine sur votre portable, alors qu'il y a un reportage qui passe à la télé, vous ne percevez pas ce que le journaliste est en train de raconter parce que vous êtes en train de causer au téléphone. Multitasking. Donc, vous êtes exposé, mais il n'y a pas de perception. Donc, c'est rien que de très humain et de très vrai. Donc, vous êtes exposé, mais vous ne percevez pas. Donc, c'est tout, c'est terminé, le traitement s'arrête là. Il n'y a plus de traitement de l'information. Soit, vous percevez. Vous êtes exposé et vous percevez et vous prêtez attention. Donc, perception, vous dites prêtez attention. D'accord? Alors, il y a comme ça Et on va voir, ça c'est l'intérêt de ce modèle. Il y a comme ça des canaux de communication qui, que vous le vouliez ou non, vont attirer votre attention. C'est le cas du cinéma, par exemple. Et il y en a d'autres qui auront beaucoup de difficultés à attirer votre attention, par exemple l'affichage dans la rue. Donc on sait très bien, on a déjà ici un outil qui va permettre de mesurer les qualités des différents canaux de communication, dans le cas précis, pour déterminer s'ils sont ou non adaptés. Si un des objectifs majeurs de votre campagne, c'est d'attirer l'attention, alors vous avez peut-être plus intérêt à utiliser des canaux audiovisuels qui captent d'eux-mêmes votre attention, parce que quand on... Vous voyez comment ça se passe, qu'on est dans une pièce ou une télé allumée, on a instinctivement, on est attiré. Regardez comment ça se passe, vous êtes un bébé dans une pièce ou un tout petit enfant dans une pièce où une télé est allumée, ses yeux vont automatiquement être attirés. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'audience captive. Certains canaux captent l'attention malgré vous. Ça vous dit que ce sont des canaux qui vont vous distraire, au sens propre du terme. Ils vont vous distraire de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez regarder l'image, vous n'allez pas écouter ce que vous dit votre... S'il y a une personne avec vous dans la pièce, vous allez être distrait parce qu'il y a des images qui tournent à la télé et que ça attire votre regard malgré vous. D'accord ? Donc, ça, un modèle comme le modèle de David J. Steiner permet déjà de discriminer en disant « Oui, mais si ce qu'on veut, c'est attirer l'attention, alors ça va déjà vous donner des indications sur les canaux qui pourraient mieux correspondre que d'autres. » Bien. Troisième étape, vous avez prêté attention. Encore faut-il que vous compreniez de quoi on vous parle. Prêter attention ne signifie pas qu'on comprend. Il y a des communications qui sont compliquées à comprendre. Si je vous expose à un message en presse quotidienne avec une pleine page qui vous explique comment fonctionne le processeur Intel, I-N-T-E-L, le tout nouveau processeur Intel CPU qui vient de sortir avec toutes les caractéristiques techniques, les fréquences en Hertz, etc., il y a 80% de ceux qui vont lire ne vont rien piger, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Et donc, vous avez perçu le message, mais vous ne comprenez pas, parce que c'est un langage qui est hermétique pour vous. Donc, perception et compréhension sont deux choses différentes. Alors, vous êtes exposé, vous avez perçu, mais vous n'avez rien pigé. Donc, ben voilà. Terminé, c'est fini, le traitement d'information s'arrête là, j'ai pas compris ce qu'on me disait. Ou si c'est un message automobile où on vous explique ce que c'est que la technologie hybride, il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas comprendre ce que c'est que c'est quoi un moteur hybride, moi je ne sais pas ce que c'est. Bon. Donc, soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. Si vous comprenez, à ce moment-là, on va passer à une étape, à l'étape suivante, qui est l'étape du faire aimer. Premier terme dans cette étape, c'est que à partir du moment où on a été exposé, à partir du moment où on a perçu, à partir du moment où on a compris, on est en mesure d'évaluer, on est en mesure de former, de développer une attitude. J'ai compris, j'ai vu ce message, je l'ai lu, j'ai compris de quoi on parle, je suis en mesure de me forger une première opinion, attitude. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous avez compris, vous avez forgé une attitude. Pourquoi ? Parce que ça, nous verrons dans le modèle suivant, il y a une dimension d'implication. Il y a des produits et services qui ne vous intéressent tout simplement pas. Alors moi, on m'a parlé, imaginons qu'on vous parle de des messages sur des produits à usage exclusivement féminin. Vous êtes sur une cible masculine. Les hommes comprennent comment on parle, mais ils ont pigé, mais il n'y a pas d'attitude, puisque de toute façon, ils ne sont pas utilisateurs des produits. Donc, il n'y a pas d'attitude qui se forme, puisque les produits ne les intéressent pas. Les produits ne les concernent pas. Ou on vous parle, par exemple, d'équitation, un message sur les bienfaits de l'équitation, vous avez exposé, vous avez prêté attention, vous avez compris. Ben, de toute façon, les chevaux, ça ne vous intéresse pas, et donc, par conséquent, pas d'attitude. Voilà, okay, pas d'attitude. C'est pas pour moi, l'équitation, ça m'intéresse pas. Le football, on vous rabâche les oreilles avec ça, vous comprenez, oui, un ballon, un type qui tape sur une balle, ils sont payés très cher pour taper sur un ballon. Le football, ça ne m'intéresse pas du tout, donc moi je n'ai pas d'attitude, je laisse tomber, je décroche. Ce processus s'arrête. Si par contre, une attitude se forge, à ce moment-là, on va passer à l'étape de rétention, c'est qu'il va y avoir un ancrage mémoriel. Il va y avoir une trace qui va se créer dans la mémoire. Mais ce n'est pas dit. C'est pas dit. Peut-être qu'il y aura une trace. Peut-être pas. On verra pourquoi. Parce que les individus sont exposés à tellement de messages qu'ils ne peuvent pas tous les retenir. Et donc, il peut y avoir un problème de mémorisation. J'ai une attitude favorable, je ne mémorise rien. J'ai une opinion, mais je suis passé à autre chose parce que, voilà, bon, il y avait à un moment donné d'autres messages qui étaient tout aussi intéressants, où j'ai eu autre chose à faire. Et donc, il peut, là aussi, y avoir, malgré que toutes les étapes précédentes aient été franchies avec succès, mais il n'y a pas d'ancrage mémoriel qui se produit. S'il y a un ancrage mémoriel qui se produit, alors je sais, j'ai vu, on m'a parlé de ceci, j'ai entendu parler du 3310 qui va sortir dans 3 mois, qui a été présenté à Barcelone, qui reprend essentiellement la technologie de l'ancien 3310, qui va être vendu au prix de 49 euros, qui arrivera en Belgique d'ici le mois de juin. Donc j'ai bien mémorisé. Mais est-ce que je vais l'acheter pour autant ? C'est pas encore garanti. Oui, je vais peut-être l'acheter. Ou je l'achèterai peut-être pas. Bon, voilà. Ça, ce modèle est particulièrement intéressant. Il a un intérêt réel parce que d'abord, il correspond au vécu. C'est un modèle très concret. C'est un modèle qui fonctionne, qui présente un... Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Ce n'est pas le modèle universel. Il n'y a pas de modèle universel, ça n'existe pas. Mais au moins, ça me permet de comprendre comment l'information est décodée. Ça me permet de comprendre la séquence et surtout ça m'explique que ce n'est pas parce que je fais une campagne de communication que la cible va nécessairement acheter mon produit. Parce qu'il y a dans la séquence des voies des sorties de secours, des moyens d'échapper qui expliquent que voilà, il y a des gens qui n'ont pas été exposés, il y a des gens qui n'ont pas perçu, il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui n'ont pas développé l'attitude, il y a des gens qui n'ont rien retenu, et surtout, il y a des gens qui ne sont pas passés à l'acte. Alors ça permet de comprendre. On va voir cette notion de probabilité. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Imaginons qu'au lieu de dire oui, non, je mette des probabilités. Quelle est la probabilité qu'un individu soit exposé pour ce produit spécifique-là, dans le cadre de ma campagne? Quelle probabilité y a-t-il que l'individu soit exposé à la campagne? On peut calculer ça. C'est ce qu'on appelle le media planning. Le media planning, sur lequel je vous donnerai les rudiments dans un cours ultérieur. Le media planning est une branche de la communication marketing qui, à partir d'études d'audience, basées sur des échantillons représentatifs d'individus, 10 000, 15 000 ou 20 000 individus, permet de calculer les probabilités d'exposition. De me dire, non, mais sur telle cible, les femmes de 15 à 44 ans avec enfants professionnellement actifs, la probabilité que sur 100 000 femmes faisant partie de cette cible, la probabilité est qu'environ 40 000 d'entre elles seront exposées au message. Ça peut se calculer, et je vous expliquerai comment ça peut se... Donc, on peut attribuer des probabilités d'exposition ou pas. On peut aussi, en faisant des études et des pré-tests et des post-tests, des études psychologiques, déterminer les probabilités de perception, les probabilités de compréhension. Il suffit de faire un projet, de le pré-tester sur un échantillon et de voir quel est le pourcentage d'individus d'échantillons qui ont prêté attention, le pourcentage d'individus d'échantillons qui ont compris, le pourcentage d'individus d'échantillons qui ont développé une attitude favorable, le pourcentage d'entre eux qui ont mémorisé le message et le pourcentage d'entre eux qui ont déclaré une intention d'achat. C'est à ça que servent les études de marché, les études marketing, c'est de déterminer des probabilités. Alors, appliquons le cas simpliste dans ce modèle. Imaginons des probabilités 50-50. Une chance sur deux qu'un individu soit exposé, une chance sur deux qu'il ne soit pas exposé. Une chance sur deux pour ceux qui sont exposés, donc je parle de 100 individus, on va partir de 1000. Je parle de 1000 individus, probabilité 50-50. Imaginons, on dit 50-50. On pourrait dire 90-10, on pourrait dire 80-20, mais imaginons 50-50. Je parle d'une cible Et mes études d'audience me permettent de déterminer qu'il y a une probabilité, une chance sur deux, que ma cible soit exposée. Donc des 1000 individus, il y en a 500 qui vont passer à la seconde étape. De ceux qui passent à la seconde étape, je fais de nouveau une chance sur deux que le message soit perçu, une chance sur deux qu'il ne soit pas perçu. Donc des 500, j'en ai 250 qui passent à l'étape 3. De ceux-là, je dis encore 50-50, une chance sur deux qui comprennent, une chance sur deux qui ne comprennent pas. Il m'en reste 125. Des 125 restants, admettons une chance sur deux qui est une attitude favorable, une chance sur deux qui n'est pas d'attitude, qui n'est pas d'attitude du tout. J'ai 60, à peu près 63 individus qui passent à l'étape de rétention. Sur l'étape de rétention, nous devons une chance sur deux, que ce soit mémorisé ou pas. Il m'en reste 30. Et des 30, une chance sur deux qu'ils achètent, une chance sur deux qu'ils n'achètent pas, ben, il reste 15 individus qui déclarent une intention. Je suis parti de 1000 individus et je termine avec 15. Ce qui veut dire 1% et demi. Vous avez compris la démarche? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Bon, alors ça, je viens de démontrer grâce à ce modèle, une chose qu'on affirme, qui est que, est-ce que la publicité fait vendre? Est-ce que la communication marketing fait vendre? Il y a beaucoup de déperditions. Oui, mais ça veut dire quoi? Si j'applique le modèle de David J. Steiner, je viens de vous expliquer que sur 100 personnes exposées, il y en a une et demie qui développe une intention d'achat. Ce qui veut dire que l'efficacité de la communication marketing serait de 1,5%. C'est pas beaucoup. Alors on pourrait croire que la publicité, on dit que la publicité, ça fait vendre, ça conditionne les gens. Toutes ces histoires qu'on lit parfois dans la presse, ça scandale, ou des discussions de comptoir, on dit la pub, ça influence les gens, ça conditionne les gens, ça les déforme, ça fait acheter aux gens des produits qu'ils ne veulent pas acheter, on les oblige à acheter ce qu'ils ne veulent pas, c'est la société de consommation dans ce qu'elle a de pire, etc. Je viens de vous expliquer et de vous démontrer avec des faits, et encore, je vais encore introduire une nuance, que l'impact réel de la communication est de l'ordre de 1, 2, 3 ou 4%, voire parfois moins, pas davantage. Donc, quelle dépêche? Alors, la question c'est, est-ce que ça vaut la peine d'investir autant d'argent pour avoir si peu de résultats? Oui, mais quand vous adressez à des millions de personnes, ça fait tout de suite des grosses quantités de produits, même si ça ne fait qu'un pour cent et demi. Il faut le ramener en tonnage et en volume. Bon, alors, limite, moi j'ai pris 50-50, mais ça, c'est parce que j'ai fait cette hypothèse-là. Alors, si vous voulez, vous pouvez à chaque étape mettre des probabilités spécifiques. Et tiens, la probabilité d'exposition à l'étape 1 est de 80%. Donc, on va voir, au lieu d'avoir sur les 1000 personnes, on va avoir 800 qui vont passer à l'étape de perception. Pourquoi? Parce que j'ai bien choisi mes canaux. J'ai choisi les bons canaux qui touchent les bonnes personnes au bon moment. Et grâce à ça, j'ai un taux d'exposition qui est plus élevé. Imaginons qu'on ait un taux de perception qui, parce que vous avez une bonne création, que vous êtes des professionnels de la com, que vous savez comment on prépare un message, comment on le met en page, que vous utilisez Photoshop d'une manière performante et que donc ça attire le regard, etc. Et que vous avez aussi un taux de réussite qui est de 70%, 70% de 800 personnes, c'est 560 personnes qui passent à l'étape suivante. Et puis, parce que vous avez rédigé une bonne body copy, vous avez utilisé les bons mots, les bons endroits, vous avez une bonne argumentation, parce que vous avez fait une bonne branding, etc., et bien la compréhension est de 85% au lieu de 50%. Mais que le taux d'attitude favorable. Donc vous pouvez utiliser des probabilités spécifiques. Alors, mais où est-ce qu'on va chercher ces probabilités? Je vous répète, vous faites des études de marché, vous faites des sondages, vous faites des pré-tests sur des échantillons représentatifs et vous simulez sur ces micro-marchés, vous simulez la réponse sur chacun des éléments et vous disposez des paramètres pour calculer les différentes probabilités. Donc voilà un modèle qui a comme deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il permet de probabiliser le comportement des individus exposés à la communication. Et le deuxième, c'est qu'il explique la relation qu'il y a entre exposition à la communication et impact au niveau des ventes. Oui. Est-ce qu'on peut envisager, dans le slide, vous pouvez revenir sur le slide affectif, est-ce qu'on peut envisager le processus à l'envers? C'est-à-dire parce que moi, je vois dans les, par exemple, dans certains produits, par exemple les médicaments, que c'est d'abord le comportement, puis l'efficacité du comportement, donc la rétention, puis enfin l'attitude favorable. Oui, oui, oui. Et donc toute la partie gauche, elle disparaît. Il y a des modèles qui parlent de ça. Il y a des modèles qui parlent de ça. Comme je vous ai dit, il n'y a pas la pathologie, il y a différentes choses. Il y a différents modèles qui permettent d'illustrer ce que vous dites. Notamment que parfois le comportement précède l'évaluation et l'information. Et c'est la notion d'implication que nous allons voir dans le modèle suivant, qui est le modèle FCD. Et donc on peut l'imaginer. Vous pourriez parfaitement à ce moment-là renverser le modèle et utiliser ces étapes-là, de les mettre en premier, et celle-là en deuxième, c'est ça que vous voudriez faire. C'est dans l'autre sens, oui, cognitif. Voilà, et dans l'autre sens aussi du comportement vers la rétention, vers l'attitude favorable. Oui, ce serait tout à fait envisageable. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ouh là là, je vous entends pas bien. Il y a un modèle, nous allons voir le modèle ELN qui répond à votre question. Vous pouvez poser des questions, hein. Je ne vous demande pas mieux que vous posiez des questions, mais attendez peut-être qu'on ait vu tous les modèles, et à ce moment-là, à la fin, s'il vous reste des questions, on les verra. On aura l'occasion d'y répondre à ce moment-là. Mais oui, il y a le modèle Elaboration Likelihood Model qui répond à votre question, qui prend en compte les éléments de motivation et d'intérêt, et qui le traite d'une façon spécifique, qui est un des modèles d'ailleurs les plus performants de tous ceux qui sont présentés dans ce chapitre. Y a-t-il encore d'autres questions? Oui. Sans passer par les autres étapes. Non, ça va être difficile parce que inconsciemment, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ce qui va se passer. Éventuellement, vous passerez toujours par l'ensemble des étapes, mais pas forcément dans l'ordre qui est reproduit. Mais sans que vous en rendiez compte, il y aura toujours cette phase qui va passer par qui. Vous allez passer par une de ces phases de toute façon à chaque fois. Mais passer sans transition de l'exposition à l'achat, non, parce qu'il doit se passer quelque chose, même si vous ne vous en rendez pas compte. Oui, oui, évidemment. Il faut juste voir les produits, tu vois, comme il avait dit avec les parfums. Tu vas d'abord l'aimer, puis le connaître et enfin l'acheter. Tandis que, genre, par exemple, les médocs, moi j'ai dit d'abord, genre, imagine t'as les lèvres. Mm-hmm. Je comprends votre question, mais à ce moment-là, vous ferez toujours, vous passerez quand même par ces étapes, par préférence à d'autres situations similaires que vous avez vécues, et vous êtes passé par toutes les étapes. Je vais l'illustrer dans son appelé le phénomène de Mary Exposure Effect, l'effet de simple exposition, qui résume ce que vous dites. L'effet de simple exposition, c'est ce que vous dites, mais je vous expliquerai dans ce modèle-là comment ça se passe. Mais on peut effectivement ne rien comprendre, ne pas connaître du tout un produit, mais qu'on va quand même l'acheter pour une raison spécifique que je vais expliquer dans un modèle suivant. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, deux gros avantages du modèle de la Bechtel, c'est la probabilisation. Il probabilise ce que les autres modèles ne font pas. Le modèle de la Bechtel a l'avantage de probabiliser, donc vous pouvez y mettre des valeurs quantitatives et définir une probabilité d'achat plus facilement qu'avec les autres modèles. Et deuxièmement, il explique bien la relation qu'il y a entre communication et achat. Voilà. D'autres questions? Bien, on va continuer. Si vous allez voir, des modèles, il y en a un nombre de certains. Avec communication et achat. Alors, ça, c'est le blockbuster des modèles. C'est le modèle que les étudiants ressortent toujours quand ils ont soit des cas écrits ou dans leur mémoire ou quand, dans des examens oraux, voire même dans des examens écrits. C'est le préféré des étudiants. Je ne sais pas pourquoi. Je dis chaque année qu'il y en a plein d'autres qui sont très bien, mais celui-là est manifestement le préféré. Il a un succès qui ne se dément pas avec les années. Alors, c'est la fameuse grille FCB. FCB qui est un acronyme pour Food Corn and Building, l'acronyme des trois commerciaux de l'agence FCB, Food Corn and Building, qui était une agence de publicité fameuse aux États-Unis, qui étaient les trois actionnaires fondateurs de la société, qui, dans les campagnes qu'ils réalisaient pour leurs clients, utilisaient ce modèle-là pour présenter leurs campagnes et pour présenter leur stratégie de communication. Food Corn and Building. Alors, quelle est la critique? Mais ce modèle reste fondamentalement un modèle de hiérarchie des effets, mais avec une nuance. Et la nuance, c'est la notion d'implication. High involvement, low involvement. Ces auteurs disaient, c'est très bien la séquence de hiérarchie des effets, mais l'ordre cognitif, affectif, comportemental ne sera pas toujours cet ordre-là. Il y a des individus qui vont d'abord consommer le produit, puis qui vont se forger l'opinion après. Il y a des individus qui vont aimer d'emblée le produit et qui vont seulement, à partir du moment où ils ont eu un flash sur le produit, qui ont été séduits, je prenais l'exemple des parfums ou des eaux de toilette, se renseignent après coup. Où le cognitif vient après l'affectif. Et donc, on ne peut pas considérer que cette séquence cognitif-affectif-comportementale se passe toujours dans cet ordre-là. Pourquoi, disent-ils ? Parce que ça dépend de l'implication qu'on a vis-à-vis du produit. Il y a des produits vis-à-vis desquels on est plus impliqué, et des produits vis-à-vis desquels on est moins impliqué. Il y a des produits qui sont impliqués. Alors, qu'est-ce que c'est ? La notion d'implication recouvre quoi ? Qu'est-ce qu'on entend par implication ? L'implication est essentiellement déterminée par le degré de risque encouru par l'utilisateur d'un produit s'il s'est trompé en choisissant ce produit-là. Je vais prendre un exemple. Si, quand vous sortez du cours, alors que votre boisson favorite, c'est le Coca, il n'y a pas de Coca dans le distributeur, vous crevez tellement de soif que vous allez boire ben, la boisson qui reste disponible. Si c'est une eau pétillante, ben, vous boirez l'eau pétillante et les pertes, mais vous allez la boire. Parce que vous auriez voulu, c'est pas grave, ça vous coûte 1 euro. La prochaine fois, ben, vous arrangerez après pour aller chercher un Coca à un autre endroit. La conséquence de ce choix, de ce mauvais choix, qui était peut-être une contrainte parce qu'il n'y avait rien d'autre. Si vous êtes trompé, vous avez appuyé sur le mauvais bouton, c'est une bouteille d'eau qui sort, alors que vous aviez appuyé pour une bouteille de Coca, bah, vous perdez 1 euro, c'est pas grave, c'est une petite contrariété, vite compensée. Mais si demain, vous signez un prêt hypothécaire dans une banque pour emprunter 100 000 euros que vous allez devoir rembourser en 20 ans, à raison de 750 euros par mois, en donnant des garanties où vos parents se portent caution si vous arrêtez de payer un moment donné. Et puis vous vous rendez compte que c'était finalement pas ça qu'il aurait fallu faire. Vous avez signé, vous êtes coincé. Et tant pis pour vous. Et il va falloir vivre avec ça pendant 20 ans, ou alors trouver des solutions, aller voir des avocats, essayer de trouver des solutions alternatives, et ça va vous prendre beaucoup de temps pour vous dégager de ce cloaque dans lequel vous vous êtes mis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, quand on prend un prêt hypothécaire, je prends un prêt connu, ça peut être acheter une voiture, ça peut être partir en vacances 15 jours, prendre la réserve. Bon, c'est quand le degré de risque associé à une mauvaise décision. Et le risque est un risque qui va être évidemment essentiellement financier. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent, ou perdre votre santé aussi. Vous serez évidemment beaucoup plus attentif, et vous prendrez plus de renseignements, vous vous informerez davantage, vous prendrez le temps, vous allez comparer, etc. Alors que pour une implication faible, le cas de la bouteille d'eau au lieu de la canette de coca, bah, c'est pas grave, quoi. On va pas prendre le temps de réfléchir longtemps. Donc, on va dire que, à cet égard-là, le cas de la limonade est un cas où le degré d'implication est faible. Alors que dans le cas du prêt hypothécaire, le degré d'implication est élevé. Parce que les risques encourus dans un cas comme dans l'autre ne sont pas du tout comparables. Et donc, qu'ont fait FC, Food Court Building, ils ont ajouté un élément supplémentaire dans la matrice, dans la séquence de hiérarchie des effets, qui est faible implication, haute implication. Et ils ont dit, donc, voilà, quand l'implication est élevée, la dimension think, rationnelle, est plus importante. On prend la peine de se renseigner davantage, on réfléchit plus. Quand l'implication est faible, eh bien, c'est essentiellement ce qu'on appelle le gut feeling, c'est le feeling qui va jouer. Et entre les deux, il y a des nuances. Donc, en fait, ce qu'on fait FCB, c'est au lieu d'avoir une seule séquence, ils en ont quatre, dans lesquelles, à chaque fois, ils inversent l'ordre de la séquence. Première séquence, implication élevée, traitement rationnel de l'information, eh bien c'est think, feel, do. On est bien dans la séquence think pour cognitif, feel pour affectif, do pour comportemental. C'est la séquence de base du modèle de hiérarchie des effets. Le triangle supérieur gauche est la séquence de base du modèle de hiérarchie des effets. Mais à côté de ça, il y en a trois autres qui sont possibles. Parce que vous pouvez avoir une implication, et ça s'applique à des produits tels que les voitures, donnez des exemples, tels que les voitures, les prêts, les produits ménagers, donc les produits domestiques, les appareils ménagers, furniture, tout ce qui est équipement du foyer, les salons, chambre à coucher, etc. On est dans une séquence classique du modèle de base de hiérarchie des effets. Mais on peut très bien, il y a des produits avec lesquels on est tout aussi impliqué, mais qui vont faire l'objet d'un traitement plutôt affectif, où c'est le fil qui va l'emporter. Exemple, disent-ils, la mode, la bijouterie et les parfums. Où là, la séquence n'est plus think, feel, do, mais feel, think, do. Un nouveau parfum Dior est sorti. Je vais dans un magasin, dans une parfumerie, je respire ce parfum, je suis séduite, je le veux. Think, quel est son prix? D'où j'achète ou je n'achète pas. Donc là, il y a eu une altération de la séquence. Vous avez aussi des produits à faible implication, tels que les détergents, la nourriture, le papier de toilette. Pas très impliquant, ces produits-là. Là, on pense essentiellement prix. Donc, d'où, là, je vais d'abord, j'achète, parce que papier toilette, on a besoin de papier toilette, il n'y a pas à réfléchir, il en faut, voilà, donc, j'achète, puis j'évalue, puis je regarde, je me renseigne, je traite, voilà, et puis je me forge une opinion. Et là, la séquence devient d'où, think, feel, moins cher. Je vais acheter le moins cher, et je réfléchirai après. J'ai besoin de sucre, j'ai plus de sucre, je prends le premier produit qui est dans le rayon, regarde, le moins cher, je prends celui-là, je le goûte, je dis bon, ouais, du sucre, c'est du sucre, puis bon, bah, ok, bah, ça va, c'est marque de Deleuze ou de Chardy, c'est bon, je continue à acheter. Dernier cas, produit à faire d'application, comme la confiserie, les soft drinks, la ice cream. Mais là, c'est plutôt, ben, j'ai envie, quoi. J'en ai envie. On n'a pas envie de papier toilette, donc on a envie d'une ice cream. Donc, il y a une glace là, qui m'a l'air bien, bien agréable, aux couleurs attrayantes. Je goûte, je prends, voilà. frappe, je goûte, ouais, c'est bon, c'est pas bon, ouf, pour le prix, c'est quand même un peu cher, donc je laisse tomber, etc. Donc, vous voyez le raffinement qui est introduit par rapport à la séquence de base, cette dimension d'implication vient quand même enrichir la réflexion, vient quand même, et va aussi enrichir les opportunités de communication. Donc, vous vous retrouvez déjà maintenant avec trois modèles que vous pouvez utiliser quand vous élaborez une stratégie de communication. Le modèle de base, la hiérarchie des effets, le modèle de Lavitier-Steiner, et maintenant la grille FCD. Voilà. Qui sont, en fait, quoi ? Des outils ? On voit, il y en a d'autres. Qui sont des outils qui vous permettent, ce sont des grilles de lecture, ce sont des micros, considérez ça comme un microscope qui vous permet d'observer un phénomène. D'accord ? Ou comme des machines de radiographie. Il faut choisir la bonne lentille, il faut choisir la bonne éclairage, le bon éclairage, il faut choisir la bonne intensité de rayonnement pour pouvoir observer. Quand vous faites une radio, si vous faites une radio des poumons, vous avez le choix entre faire un scanner, vous pouvez faire une résonance magnétique, et c'est au radiologue à déterminer, est-ce que je vais faire un scanner, est-ce que je vais faire une résonance magnétique. Il choisit l'appareillage le plus adapté à la zone du corps qu'il doit observer. C'est la même chose en communication. Donc, s'il vous plaît, alors, bien que je sache que le modèle FCD est le blockbuster des étudiants, foncez pas tête baissée dans ce modèle-là, regardez aussi ce qu'il y a, parce que vous n'aimeriez pas que dans un service d'urgence, on vous fasse une piqûre de morphine pour un ongle incarné, ça ne vous plairait pas. Ok ? C'est exactement la même chose. Donc, vous devez vous donner la peine. Et ça, c'est votre responsabilité d'expert en communication, en fonction du cas que vous traitez, de choisir la grille d'analyse et de décodage du comportement des individus qui est la plus adaptée. On va continuer. Modèle suivant. Alors ça, c'est le modèle... Vous allez voir, ça va répondre à des questions qui ont été posées tout à l'heure. Excusez-moi au niveau de la lecture, de loin, ça va être un peu compliqué, mais si vous avez les slides, regardez vos slides, et je vais expliquer ce modèle. Il est plus compliqué que les autres. Ça, désolé pour vous, c'est un modèle qui est plus compliqué, ce qui explique pourquoi les étudiants n'aiment pas. Ils n'aiment pas trop, parce que c'est un peu plus compliqué à comprendre, et surtout c'est assez difficile à restituer sur papier quand ça fait l'objet d'une question écrite à l'examen. Mais bon, ce modèle est quand même, comme on va le voir, assez performant. C'est le modèle ELM, Elaboration Likelihood Model. Ça va rejoindre la question qui était posée tout à l'heure en haut des graphiques. Alors, le modèle de Elaboration Likelihood Model, lui, va fonctionner sur le principe suivant. Il va dire, quand un individu est exposé à de la communication, il a deux manières de traiter l'information. Soit il va traiter l'information de manière centrale, dans le graphique, c'est reproduit par Central Processing, soit il va le traiter de manière dite périphérique. Qu'est-ce que c'est que le traitement central de l'information dans le modèle ELM ? Dans la littérature spécialisée, en psychologie, c'est le modèle de Petty et Cacioppo. Ceux qui font leur mémoire, ça peut être une référence intéressante. Le modèle de Petty, des auteurs, s'appelle Petty, et l'autre, le co-auteur, s'appelle Cacioppo. C'est Elaboration Likelihood Model. Le traitement central, l'individu est exposé à un message relatif au, je vais prendre l'exemple du 3310, du Nokia 3310, traité centralement, ça veut dire qu'il va s'intéresser au produit lui-même. Ses caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il a un appareil photo, est-ce qu'il y a des jeux, quelle est la durée de vie de la batterie, quel est le temps de recharge, quel est son poids, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du métal. Est-ce que l'écran est en plastique ? Est-ce qu'il est en verre, solide ? Est-ce qu'il est étanche ? Est-ce qu'il n'est pas étanche ? Ça, c'est un traitement central. Je m'intéresse au produit lui-même, à l'essence du produit. Et c'est tout ce qui concerne directement le produit qui m'intéresse. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le modèle ELM, le Central Processing. Le traitement périphérique est une autre façon, c'est que ça consiste à dire, dans le 33-10, moi, ces histoires, c'est finalement, c'est pas le produit qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le design. Est-ce qu'il est beau? Est-ce que les couleurs sont chouettes? Ah oui, les couleurs sont bien jolies, il a une belle forme, il a des arrondis, ah, il est mignon comme tout ce téléphone, qu'est-ce qui me plaît? Ma mère en avait un, mais celui-ci, voilà, vraiment, il me relance, ça, c'est assez génial. En fait, dans le message de relance, eh bien, il se fait que c'est une actrice, pas de dons, Angelina Jolie, qui fait la publicité pour le 3310. J'adore Angelina Jolie, qu'est-ce qu'elle me plaît? Ah, si elle a un 3310, wow, c'est bien, ça doit être vraiment bien. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais là, quand je fais ça? Je m'intéresse à des éléments qui sont périphériques au produit. Angelina Jolie, c'est pas le téléphone, mais il se fait que c'est elle qui l'utilise. Dans la communication, dans la pub, ben, c'est elle qu'on voit. D'accord? Ou la couleur du téléphone, ben, ce n'est pas le téléphone lui-même, c'est un élément qui est périphérique au produit. Donc il y a deux types de traitements. Traitement central ou traitement périphérique. Alors on va dire, oui, mais et alors? Eh bien, l'étape, l'élément suivant dans le modèle ELM, c'est de déterminer qu'est-ce qui va faire que la cible sur ce produit-là procédera à un traitement central ou à un traitement périphérique. Qu'est-ce qui va expliquer que certains vont s'intéresser au téléphone lui-même, alors que d'autres vont plutôt s'intéresser au fait qu'il est violet ou que c'est Angelina Jolie qui l'utilise. Réponse du modèle ELM, ce qui va faire que ce sera ou central ou périphérique, c'est trois choses. D'abord, existe-t-il une motivation spécifique à s'intéresser au Nokia 3310? Est-ce qu'il y a une motivation à s'intéresser au téléphone portable? Si pour vous le téléphone portable c'est un objet nécessaire, mais dont vous vous passeriez volontiers, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie motivation. Par contre, si pour vous le téléphone est un outil, est un instrument dont vous avez absolument besoin, soit pour votre ego, soit pour rester, parce que vous devez rester branché avec vos copains et que vous ne pouvez pas passer plus de 5 minutes sans vous envoyer un SMS, et que le téléphone, que le SMS vous accompagne partout dans votre vie, là vous serez motivé par tout ce qui concernera les téléphones portables, va vous intéresser. Dans l'autre cas, ce sera uniquement quand j'en ai tout. Donc, y a-t-il ou non motivation? Deuxième élément qui va rentrer en ligne de compte, c'est la capacité. Ability, en anglais. Est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous disposez des ressources suffisantes que pour pouvoir traiter l'information sur le 3310? Est-ce que vous avez les capacités intellectuelles de comprendre ce qu'on vous dit? Avez-vous la capacité de le faire? Alors, non, pour un 3310, c'est pas très compliqué. Si c'était le nouveau processeur Intel en CPU, est-ce que vous avez la capacité intellectuelle de comprendre toute la technique qui est mise en avant dans le message relatif au nouveau processeur Intel, c'est pas certain. Donc, il y a un élément de capacité. Êtes-vous en capacité ou non de pouvoir traiter l'information et comprendre ce qui se dit en rapport avec le produit? Troisième élément, l'opportunité. Avez-vous l'opportunité d'acheter le produit? Eh bien, bon, par exemple, Nokia va lancer deux autres smartphones haut de gamme. Non, pardon, je vais prendre un autre exemple. BlackBerry va se relancer, mais il va le faire en Chine. Donc les nouveaux BlackBerry ne seront disponibles qu'en Chine. Autrement dit, pour nous, Belges, acquérir un BlackBerry pour le moment, ce n'est pas possible, on n'a pas l'occasion d'en acheter, il faut aller sur place, il faut le commander. Donc nous n'avons pas la possibilité d'acheter. Il est chouette, il est génial, tout ce qu'on veut, on peut imaginer, imaginons. Hein. Ce que je vous dis est en partie vrai. Il va y avoir des nouveaux BlackBerry sur le marché, mais ils vont être lancés en Chine. Ça, c'est vrai. Bon. Maintenant, est-ce que Est-ce que vous avez, quand est-ce que j'aurai la possibilité d'acheter, si j'ai envie d'en acheter un, ben on n'en sait rien. Donc pour l'instant, je ne sais pas l'acheter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis motivé par tout ce qui est, concerne les smartphones et les téléphones? Oui. Est-ce que j'ai la capacité intellectuelle de traiter l'information en rapport avec les smartphones? Oui. Est-ce que j'ai l'opportunité de l'acheter? Non. Puisqu'il n'est pas disponible dans ma région, au moment, il ne sera pas en circuit. Donc, les trois conditions ne sont pas remplies. Il n'y en a que deux sur les trois qui sont remplies. Eh bien, à partir du moment, que dit le modèle ELM? Le modèle ELM dit que pour qu'il y ait traitement central de l'information, il faut que les trois conditions soient remplies. Il faut qu'il y ait motivation, capacité et opportunité. Il faut que la réponse soit oui aux trois questions. Si elle est oui aux trois questions, alors l'individu procédera à un presque automatiquement, dirais-je, à un traitement central de l'information. Si, par contre, une seule des trois conditions n'est pas remplie, il suffit qu'une des conditions pour qu'il y ait, à ce moment-là, passage... Alors, attention, nuance, parce que ça, à l'examen, j'ai déjà remarqué que souvent, il y en a qui se cassent la figure. Il peut y avoir un traitement périphérique, mais pas nécessairement et pas systématiquement. Pour qu'il y ait un traitement... Donc, il n'y aura pas de traitement central, ça, c'est acquis. La question se pose, mais alors, ça veut dire qu'il va y avoir un traitement périphérique. Oui, à condition que. Oui, à condition que quoi? À condition qu'il y ait un indice périphérique qui soit suffisamment actif que pour que le traitement prenne place. S'il n'y a rien, si pour vous, Angelina Jolie, n'est pas du tout un élément, n'est pas un peripheral cue, parce que dans la vie, vous ne savez même pas qui c'est, cet indice ne sera pas actif. D'accord? Bon. Si par contre, pour vous, Angelina Jolie est une référence, à ce moment-là, vous serez tenté comme un livre. Moi, j'aime bien dire. Ah, elle a... Et donc, vous allez vous intéresser à la marque, au message, par le biais de cet élément périphérique qui est votre actrice préférée. Et s'il n'y a pas d'élément périphérique du tout, il peut y arriver des campagnes, il n'y a pas d'élément périphérique qui soit suffisamment actif pour la cible, alors il y a le cas qui se produit, il n'y a pas de traitement. Donc le modèle, et j'insiste là-dessus parce que j'ai remarqué que souvent dans les réponses aux questions d'examen, les réponses étaient souvent dites comme exemple, il y aura un traitement central ou périphérique. S'il n'y a pas de traitement central, il sera périphérique. Non. Faux. Ça, c'est zéro à la question. Notez bien ça, si jamais cette question devient un examen. Il n'y aura traitement périphérique qu'à la condition qu'il y ait un indice périphérique actif. Et c'est ce que montre le graphique. En fait, tout ce que je viens de vous raconter, c'est le schéma. Mais je viens de vous le dire avec des mots. C'est ça que dit le modèle. Et donc, c'est en ça que le modèle répond à la question qui m'était posée tout à l'heure, en disant, mais il faut qu'il y ait un intérêt pour le produit, etc. Donc, je reformulerai la question qui m'avait été posée en disant, on ne peut pas dire que c'est ça, il faut être plus précis que le mot intérêt. En fait, il faut dire trois choses. Pour qu'il y ait traitement de l'information et qu'il y ait une volonté d'aller vers le produit, il faut qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait une capacité et il faut qu'il y ait une opportunité. Si les trois conditions sont remplies, alors oui, il va y avoir un réel intérêt vis-à-vis du message et du contenu du message. Est-ce que vous avez compris ceci, ce que je viens d'expliquer? Oui ? Non, je dis, les trois conditions doivent être remplies pour qu'il y ait traitement central. Si les trois conditions ne sont pas remplies, il y aura alors un traitement périphérique à condition qu'il y ait un indice périphérique. Voilà. D'autres questions? Alors, je vous laisserai le soin de lire ce graphe, ce schéma qui peut faire peur, surtout quand on pas voir tous les éléments clairement et distinctement. Là, vous voyez, on part du message, le bloc à gauche, on part du message, on passe par les trois étapes, on a ce qu'on appelle le MAO, motivation, capacité, opportunité. Si la réponse est oui aux trois, alors il y a un traitement central, c'est ce que le bloc supérieur droit dit, avec changement permanent ou pas de changement, ou changement transitoire, suivant le type d'argument qui est utilisé. Si la réponse est non à au moins un des trois MAO, À ce moment-là, la question se pose de savoir, y a-t-il un indice périphérique qui est présent ? Si oui, alors il y a un traitement périphérique, sinon il n'y a pas de traitement du tout. Et s'il y a un traitement périphérique, alors il peut être temporaire, permanent, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'explique ce modèle, le modèle de l'ELM. Alors à partir du modèle, ce modèle ELM a donné naissance à son tour à toute une série, plusieurs générations successives, avec toute une série de variantes. Je ne vais pas toutes les revoir, mais je vais quand même vous expliquer ce que signifie ce tableau, qui en fait classe des modèles dérivés du modèle ELM, suivant qu'ils répondent à un traitement central ou à un traitement périphérique. Donc suivant qu'il y a un traitement central, il y a des sous-modèles qui viennent s'inscrire dans la catégorie du traitement central, il y a des sous-modèles qui vont s'inscrire dans le traitement périphérique. Ce que veut dire le terme High Elaboration Central Root Processing. Donc, dans ce proxy, vous avez un énoncé, vous voyez les petits blocs bleus, les petits carrés bleus, 5 sous-modèles qui répondent à une approche de type traitement central de l'information. Et dans la dernière colonne du tableau, vous avez 7 modèles qui répondent à un traitement périphérique de l'information. Et chacun de ces modèles pouvant encore être distingué suivant qu'ils répondent à une approche essentiellement cognitive, affective ou comportementale. Je vais en voir quelques-uns avec vous. Pas tous, mais le principe. C'est clair ce tableau ? Donc, partant du modèle ELM. Le modèle ELM a donné lieu à des modèles dérivés, des sous-modèles. Soit des modèles qui tous répondent à une approche de type traitement central, soit des modèles répondant à un traitement de type traitement périphérique. Et ces modèles, donc, traitement central, peuvent encore être subdivisés en 3 catégories, suivant que ce sont des modèles qui jouent essentiellement sur l'approche cognitive ou sur l'approche affective, ou sous l'approche comportementale. Alors, je voulais faire ici un commentaire sur les modèles, sur le modèle ELM. J'ai vu souvent, parce que dans le passé, quand des étudiants à ce cours étaient moins nombreux, quand il n'était que 70 ou 80, maintenant vous êtes plus de 250, je faisais travailler les étudiants sur des cas. Donc je soumettais les cas, et puis je demandais aux étudiants de livrer leurs réflexions en utilisant des modèles, en disant, voilà, comment appliqueriez-vous ce modèle à tel cas et décoder le cas en fonction du modèle, notamment du modèle ELM. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'être confronté à une réponse qui m'a toujours beaucoup dérangé et qui est inexacte. Et dit, nous voulons que la cible effectue un traitement central de l'information. Où nous voulons que la cible effectue un traitement périphérique. Mais vous n'avez rien à vouloir. C'est pas vous qui décidez qu'il y aura un traitement central ou périphérique. C'est la nature du produit et la nature de la cible qui fera qu'il y a traitement central ou périphérique. Mais ce n'est pas à vous de décider ou de faire une campagne qui provoque un traitement central ou qui provoque un traitement périphérique. C'est pas vous qui pouvez décider ça. Le fait que les gens soient motivés ou pas, le fait que les gens aient la capacité ou pas, le fait que les gens aient l'opportunité ou pas d'acheter, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de leurs conditions de vie, ça dépend de... C'est comme si vous me disiez que faire une radio de votre genre, c'est une manière de... ça revient à la soigner. Non, la radio, ce n'est qu'une partie du processus. On fait d'abord une radio. La radio, elle donne une photographie de l'état de votre genre, mais la radio, elle ne soigne pas votre genre. La radio, elle ne fait que... Regardez, voilà, vous avez été au ski, vous avez cassé la figure... Vous avez très mal à la jambe, on fait une radio. Mais faire une radio, ça ne soigne pas. C'est pas parce que vous avez fait une radio que vous n'avez plus mal à la jambe. Votre jambe restera tout aussi cassée après la radio qu'avant la radio. La radio, elle fait une photographie. Les modèles, c'est la même chose. Les modèles, ils donnent une photographie. D'accord ? Et sur base de ce que le modèle révèle, alors, vous déterminez ensuite, et là, c'est la partie volontariste du processus de communication, Vous allez définir un positionnement, vous allez définir les contours d'un message, vous allez choisir des canaux, vous allez déterminer un budget, etc. Mais donc les modèles n'ont pas une vocation volontariste, ils vous donnent une photographie d'une situation à un moment donné, qui vous permet de comprendre cette situation. Donc dire, nous voulons faire une campagne nous voulons faire une campagne avec un traitement central de l'information, c'est aberrant de dire ça. C'est pas vous qui décidez qu'il y a un traitement central. Vous constatez que la cible pour ce type de produit procède à un traitement central de l'information ou périphérique. Et en fonction du fait que la cible procède pour ce genre de produit à des traitements centraux ou périphériques, vous adaptez votre communication en fonction du type de traitement auquel la cible se livre. J'insiste beaucoup sur l'explication que je viens de donner, parce que si jamais la question venait à l'examen écrit et que vous m'écrivez que nous voulons que c'est une volonté, etc., vous allez vous retrouver avec un 2 sur 20 à la question. Et vous ne comprendrez pas pourquoi, j'ai tout mis. Non, mais vous n'avez pas compris. Vous avez tout mis, mais vous n'avez rien pigé. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous reproduisiez quelque chose qui est correct, c'est que vous montriez que vous avez compris. Le reste, ça relève plus du travail. Donc je voulais faire cette incise, parce que c'est revenu trop souvent dans le cours, et donc je voulais quand même expliciter un petit peu ça. Bon, alors, je finirai vers 2h15, 2h10, parce qu'il n'y a pas eu d'interruption. Je vais développer quelques-uns, pas tous les modèles qui sont là. Il y en a, vous n'avez pas besoin de moi. Prenez le bouquin et le bouquin vous permet de comprendre sans problème. Il y en a certains sur lesquels je désire quand même insister. Alors, on va d'abord voir quelques modèles. Le modèle faisant partie de la catégorie des modèles faisant partie de la catégorie traitement central de l'information, approche cognitive. Donc la case dans le tableau supérieur gauche, les deux petits blocs. Et là, je vais développer pour vous trois sous-modèles. Et je vais commencer directement par un exemple. Désolé pour ceux qui sont en haut de gradin, là. Je vais essayer d'expliquer pour que vous puissiez suivre ce qu'il y a dans ce tableau. C'est l'exemple du livre. Alors imaginons, reportez-vous 4 ans en arrière. Enfin, 4 ans en arrière, vous sortiez de l'athénée ou du collège et vous deviez choisir vos études. C'est à peu près le moment où on commence à réfléchir en se disant voilà. Qu'est-ce que je vais faire en sortant d'humanité une fois que j'aurai mon bac ou mon diplôme. Et donc vous êtes confronté à un choix de deux types d'études. Bon, je vais prendre l'exemple. Soit vous allez à l'université, soit faire des études universitaires, soit faire des études techniques. Donc passer dans un enseignement technique supérieur ou études carrément universitaires. Comment choisir entre les deux? Donc, nous sommes ici dans le modèle de Fishbein, qui est l'auteur du modèle. Vous allez comprendre qu'on est clairement dans une approche cognitive. Alors, je sais qu'il y a, quand on choisit ses études, il y a une façon, on peut les choisir d'une manière affective, on peut les choisir parce que mon père était médecin, donc je veux être médecin, ou mon père était un informaticien, ma mère était informaticienne et elle est formée, etc. Elle a fait des études d'école technique, donc elle allait être heureuse, etc. Ça, c'est émotionnel. Bon. Ou mes copains, tous mes copains, mes meilleurs copains font tous médecine, donc je vais faire comme eux, parce que je n'ai pas envie d'être séparé de mes copains. Ça, c'est l'approche, une approche qui existe. C'est pas la seule. À côté de ça, il y a une approche, et on va prendre ce parti pris ici, tout à fait cognitive, où, vu le degré d'implication, vu l'implication élevée du choix des études, puisque vous êtes parti pour 5 ans, il faut bien regarder où on met les pieds, il faut bien réfléchir, etc. Donc on est dans cette approche-là, on réfléchit, on est dans du cognitif. Fishbein dit, imaginons un futur étudiant qui est confronté au choix entre aller à l'UNIF ou en école supérieure, comment il va faire à partir du moment où on imagine que c'est quelqu'un de très cartésien, très rationnel, etc. il va faire son choix sur base de critères. Il va déterminer des critères, attributs ou critères. Alors, quels sont la liste que présente Fishbein? Ça a été publié dans des papiers. On ne discute pas la pertinence des critères. Utilisons-le plutôt pour la valeur exemplative. Fishbein dit, eh bien, les critères utilisés par un étudiant cartésien seront d'abord la difficulté des études, le degré de difficulté, est-ce que c'est des études difficiles ou pas? Deuxième élément, le prestige, est-ce que ce sont des études prestigieuses? Est-ce que l'institution est prestigieuse? Troisième critère, le coût. Je préfère parler d'investissement plutôt que coût. Les études, ça ne coûte pas, c'est un investissement. Ça ne coûte pas d'argent. C'est de l'investissement qui rapporte sur le long terme. Quatrième critère, la qualité des enseignants. Est-ce que ce sont des profs de qualité? Cinquième critère, la quantité d'avis que je peux faire. Est-ce que je vais faire beaucoup de copains? Sixième critère, est-ce que je vais devoir étudier beaucoup? Donc, le temps d'étude, est-ce que je vais devoir bosser, bûcher beaucoup ou pas beaucoup? Et dernier critère, les débouchés professionnels. Voilà. Voilà les critères que cet étudiant-là est amené à utiliser. On prend le cas d'une personne ici. Fishbein dit, première chose, on a fait la liste. Deuxième chose, on va hiérarchiser les critères. Dans les critères qui viennent d'être mentionnés, certains pèsent plus lourd que d'autres. C'est ce que donne la deuxième colonne ici. Alors, plus la pondération est élevée, plus le critère est important. Donc, dans l'exemple pris ici, eh bien, on voit que pour cet étudiant-là, la qualité des enseignants prime, suivie par le prestige, ensuite à égalité par les copains qu'on peut se faire et les débouchés professionnels, ensuite le coût des études et le temps qu'il faudra passer à étudier, pour terminer, le critère le moins important est le niveau de difficulté des études. Donc, on a affaire ici à un étudiant qui a relativement bien confiance en ses capacités. Troisième chose, eh bien, puisque c'est comme ça, en fonction de ça, on va maintenant attribuer à l'UNIF et aux écoles supérieures, on va leur donner une cote sur chacun des critères. Alors on va donner plus 2 quand c'est une appréciation positive, et on va donner moins 2 quand c'est une appréciation négative, et 0 si c'est ni l'un ni l'autre. C'est qu'on a une gradation qui va plus 2 à moins 2. Et donc, pour l'université, l'étudiant en question donne 2 points à l'UNIF sur base de la difficulté, il en donne 1 à l'école technique, aux écoles techniques supérieures. En termes de prestige, il donne 2 points à l'université, 0 aux écoles techniques supérieures, 1 pour le coût des études, plus 1 à l'UNIF, 0 aux écoles techniques supérieures, la qualité des enseignants, etc., plus 1 pour l'université, moins 1 pour le polytechnique, moins 1 pour le nombre d'amis, plus 2 pour le polytech, plus 2 pour le temps d'études, 0 pour le polytech, moins 1 pour les débouchés à l'université, plus 1 pour les débouchés à l'école technique supérieure. Dernière étape, je vais faire la somme. Donc je vais dire le degré de difficulté pondéré à 2, université côté 2, 2 plus 2, ça donne 4 points à l'université, et suivant le calcul Siné, ça donne 2 points aux écoles techniques supérieures. Sur le prestige, qui pèse lourd, 6, qui reçoit l'évaluation de 2, donc ça fait 12 points pour l'UNIF. C'est comme l'Eurovision de la chanson, 0 pour ce qui concerne l'enseignement technique supérieur, etc. On arrive au total, 22 points en faveur de l'UNIF, 10 pour cet étudiant-là en faveur de l'enseignement technique supérieur. Résultat, l'étudiant, fidèle à son approche cartésienne, devrait choisir d'aller à l'université. Voilà. Vous voyez, c'est hautement cognitif tout ça. C'est du penser, c'est du rationnel. Il y a des critères, il y a une évaluation, etc. Donc, voilà ce qu'on va appeler un traitement central de l'information. On est bien sur un traitement central. Ici, on parle vraiment des qualités intrinsèques à l'enseignement. D'accord ? On peut dire que le nombre d'amis a quelque chose à voir. C'est quand même un élément relativement objectif. Et puis, voilà, traitement central avec une approche cognitive. Premier sous-modèle dans cette catégorie. Et puis on dit, oui, mais là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est hyper cartésien. Dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'on oublie quand même quelque chose. C'est qu'on considère que l'individu, il prend ses décisions tout seul, sans influence extérieure. Alors qu'on sait très bien que quand on choisit ses études, ben, on se laisse quand même influencer par son milieu. On est influencé par les parents, on est influencé par les amis, on est influencé par les groupes d'appartenance auxquels on est influencé par les profs, on est influencé par ce qu'on entend, on entend dans la presse, etc. Et donc il y a une variante du modèle de Fishbein qui est introduite, qui est ce qu'on appelle la norme subjective. Et cette fois-ci, au lieu d'introduire des critères tout à fait objectifs, on fait le même exercice, mais dans ce modèle-là, on considère que la partie sociologique va jouer un rôle prédominant, que l'influence extérieure sera déterminante sur le choix que l'individu va faire de ses études. Et donc les critères qui vont intervenir seront des critères qui viennent essentiellement des groupes de référence, c'est-à-dire je choisis mes études en fonction de ce que pensent mes copains à l'école, en fonction de ce que pensent mes copains dans mon club de jeunesse, de ce que pensent mes copains dans mon club sportif et des discussions que j'ai avec eux, etc. Je vais choisir mes études en fonction de ce que mes parents pensent, en fonction de ce que ma famille pense, en fonction de ce que nos profs nous racontent à l'école, et aussi un peu en fonction de ce qu'on lit dans la presse professionnelle, les avis faits par les patrons à propos de l'enseignement universitaire, de l'enseignement technique supérieur, etc. Et on recommence le même jeu. Ce modèle fait exactement la même chose. Il donne un poids à chacun de ces critères, une évaluation, et on fait une comparaison des deux. De nouveau, c'est la même démarche. Et sur ces critères-là du groupe de référence, dans l'exemple qui est donné dans le bouquin de cours, on arrive à 35 points pour les études universitaires et 1 point pour les études techniques supérieures. Bon. Ça, c'est la deuxième approche. Troisième, mais on est toujours dans un traitement central. On est toujours dans un traitement central de l'information. Alors, la critique qui a été faite à ce second modèle, c'est de dire, oui, mais en fait, on oublie encore une chose. C'est que quelqu'un qui choisit ses études va le faire aussi en fonction de son degré de confiance en soi. Pas uniquement en fonction du critère objectif ou de ce que pensent les copains, mais en fonction de ce qu'il se croit capable lui-même de faire. Il y a des jeunes qui se croient incapables de mener à bien des études universitaires. Ça existe. Il y en a beaucoup qui croient ça. Ils ne sont pas capables d'aller à l'UNIF. Il y a beaucoup de personnes qui se croient incapables d'étudier des langues. Moi, je suis nul en langue, je suis nullissime, donc je ne vais pas aller étudier à la KEL ni à l'université de Gans, qui par ailleurs serait un très bon choix. Je le signale aux étudiants francophones, ce serait de votre intérêt de faire ça, pourtant. Moi, en langue, je suis trop nul que pour aller faire des études de langue. Déjà en anglais, c'était la cata. Le néerlandais, je me faisais descendre, je faisais des 5 sur 20. La question, c'est est-ce que c'est la faute des enseignants ou est-ce que c'est la faute des... C'est une autre question, on ne débattra pas ici. Mais toujours est-il que ce troisième critère, qui est le degré de confiance en soi. Et donc, ce troisième modèle introduit cette troisième variable qui est... Ça, c'est le modèle TPP, Theory of Planned Behavior. Qu'est-ce qu'il fait? Il intègre les deux précédents. Il intègre la dimension objective de Fishbein et la dimension du groupe de référence qu'on a vu dans le deuxième modèle. Et il y ajoute une troisième dimension qui est le degré de confiance en soi. Et donc, ce qu'on va appeler dans ce modèle la norme subjective sociale et ce que je viens d'expliquer, le degré de confiance en soi, qui est le Perceived Behavioral Control. Que veut dire Perceived Behavioral Control? Eh bien, est-ce que je m'estime capable de faire des études en néerlandais? Oui ou non? Et ça, c'est pas mes parents qui m'ont dit ça, c'est quel est mon sentiment personnel profond? Est-ce que je suis capable d'aller étudier 5 ans à l'université de Gand ou à Catholic University Leuven. Est-ce que je me sens capable de le faire? Oui ou non? Ça, c'est le Perceived Behavioral Control. Ça, c'est la dimension qui vient s'ajouter aux éléments de groupes sociaux, Perceived Social Pressure, qui est le deuxième modèle, et le premier, qui est le modèle de Fishbein. Donc ça, c'est Fishbein, ça, c'est la norme subjective, et ça, c'est le Perceived Behavioral Control. Et la conjugaison de ces trois approches donne la réponse et permet de voir comment l'individu traite l'information en rapport avec le produit ou service qui fait l'objet de l'explication, qui va faire l'objet de son choix et l'objet de la stratégie communication. Y a-t-il des questions? C'est ce qu'on appelle le TPB, le Theory of Planet Behavior, donc qui est un modèle intégrateur. Donc vous voyez qu'on est vraiment, on est toujours dans le modèle de hiérarchie des effets, mais c'est devenu beaucoup plus sophistiqué comme approche. Beaucoup plus sophistiqué comme approche. Alors, petite incise, dans beaucoup d'agences de communication aujourd'hui, quand on veut épater le client, on lui parle du modèle AIDA. IDA. Attention, intérêt, désir, action. Ça, c'est la grande paresse des agences de communication. Le modèle AIDA nous dit que et donc la campagne qu'on va vous présenter est une campagne qui joue sur attention et qui crée l'intérêt, qui suscite le désir, qui conduit à l'action. Et on présente les roughs, les layouts, les textes de plan média, les projets de communiqué de presse, les phares de presse qui vont en rapport au modèle AIDA. Ça fait bien, c'est impressionnant, ça met une touche de théorie dans les dossiers, ça impressionne les clients. Moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il existe des modèles beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus simple également à certains moments, et beaucoup plus pertinent que le simple modèle AIDA, qui est une variante, hein, qui est une variante du modèle hiérarchie-effet, ou si vous avez observé le premier tableau, il est dedans, mais il n'y a pas que le modèle AIDA, et je n'ai pas fini, hein, j'en ai encore deux ou trois à vous présenter. Donc, qu'est-ce que je vous explique quoi? Je vous explique que vous avez à votre disposition, quand vous allez faire votre métier d'expert en communication, vous avez à votre disposition des outils. Des outils variés, qui présentent des regards différents, plus adaptés à certaines situations que d'autres, et que ces situations évoluent. Eh bien, il ne faut pas vous priver d'utiliser ces modèles, mais seulement de votre part un peu un investissement critique pour dire quel est celui des modèles qu'on voit ici qui, dans le cas présent, me paraît le plus adapté au cas de communication que je dois traiter. D'accord ? Bon. Dites-vous bien aussi, parce que c'est une remarque qui m'a été faite par des étudiants qui sont... Quand on débriefe les stages des étudiants à l'ULB, après le stage, il y a un débrief qui se fait. Les étudiants viennent en groupe. Le commentaire que j'entends le plus pour le moment, c'est de dire, toutes ces notions que vous nous avez enseignées au cours sont de même que dans d'autres cours. Il y a des cours de deuxième année qui sont très fort en matière de communication digitale, et où le commentaire des étudiants dit tout ça, c'est très bien et c'est effectivement très efficace. Le grand problème, c'est que quand nous sommes en stage dans les agences, pour faire comprendre ça à ceux qui travaillent dans les agences, c'est très compliqué, et à l'UNIF, on ne nous explique pas que dans les agences et chez les annonceurs, nous allons avoir affaire à des gens qui ne connaissent pas tout ça, et qui à la limite sont réfractaires. Et donc, comment faire passer la bonne parole, comment montrer l'utilité d'outils comme ça à des gens qui n'ont même pas la notion que ça existe. Et pourtant, ces gens-là peuplent les agences de communication. Donc, un certain nombre de vous seront confrontés à cette frustration en disant tout ça, c'est bien, c'est chouette, ça permet de faire un bon boulot. Et puis, au moment où on doit l'expliquer, on a en face de nous des gens qui nous regardent avec des yeux de poisson, qui ont l'air de dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? On ne pige pas, on ne comprend pas. Bon, je vous mets en garde parce que c'est des choses qui arrivent, ça m'est arrivé. Ça ne doit pas être une raison pour se décourager, parce que malgré tout, il en résulte des campagnes plus performantes. Et à la fin du compte, on s'aperçoit que, en définitive, ça sert à quelque chose. Seulement, il y a une étape. Et ce n'est pas toujours évident de l'expliquer, parce que vous serez dans la nécessité, quand vous ferez le stage, si vous utilisez vos stages et par ailleurs dans votre carrière professionnelle, vous serez dans la nécessité, vous, de devoir réexpliquer ce que je vous explique, mais à des gens qui ont pas la notion que ça puisse exister, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité, de pouvoir étudier ça, ou d'apprendre qu'ils ne savent même pas que ça existe. Donc vous devrez pouvoir restituer ça avec des mots simples, en continuant à y croire, mais avec des mots simples et en évitant la sophistication. Bien, alors, on va passer dans une autre catégorie. Je vais introduire le modèle suivant et dans 5 minutes, je vous libère. Bien, on va passer dans une autre catégorie qui est des modèles qui ont un rapport avec le traitement, cette fois-ci, périphérique. Imaginons que vous avez diagnostiqué que la cible traite l'information de manière périphérique, eh bien, essayons de comprendre rapidement comment ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a essentiellement deux modèles que j'aimerais vous expliquer. Je vais vous expliquer le premier aujourd'hui, et je expliquerai le deuxième la semaine prochaine. Alors, c'est ce qu'on va appeler les modèles heuristiques. C'est un mot barbare, heuristique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'heuristique? C'est une discipline qui montre que finalement, que ce ne sont pas les modèles formels. Donc on ne se base pas sur le passé, sur l'expérience passée, mais sur l'expérience présente, et que c'est ce qu'on vit au moment même qui détermine la réponse qu'on va trouver. Je prends un exemple. Vous mettez un enfant de 3 ans devant un Mac, et vous ne lui expliquez rien du tout. Vous le mettez devant une tablette, vous lui dites, vous l'allumez, parce que vous faites, et encore, et puis vous le laissez faire. Vous allez voir qu'une heure après, le type 3 ans est capable d'allumer la tablette, il est capable de faire défiler les photos, il est capable d'appuyer sur les boutons pour ouvrir les applications, etc. Pourquoi? Il n'a rien appris, il n'a pas eu de formation, mais c'est par essai-erreur. Donc l'approche heuristique est une approche essai-erreur. C'est l'expérience instantanée qui vous fait trouver votre chemin par tâtonnement. Ça, c'est les modèles heuristiques. Les modèles heuristiques ont évidemment un rapport direct avec le traitement périphérique de l'information. Alors, quand on dit, quand je parlais de traitement périphérique de l'information, donc ce sont des éléments qui ne sont pas directement centrés sur le produit. Je parlais d'Angelina Jolie, je parlais de la couleur du téléphone, qui vont, à partir du moment où ils sont présents, entraîner un intérêt, provoquer un traitement de l'information, un traitement du message par l'individu. Eh bien, voici le modèle d'évaluation heuristique dit que, les éléments périphériques qui peuvent jouer un rôle dans le traitement de l'information peuvent être liés à la source, ils peuvent être propres au message lui-même, ils peuvent être liés au produit lui-même. Alors la source. Quels sont les éléments périphériques qui sont liés à la source? L'attractivité de la source. On ne peut pas dire que Angelina Jolie ne soit pas attractive. L'expertise. C'est pour ça qu'on va vous montrer dans des spots TV sur des dentifrices, on va vous montrer des types qui portent un tablier blanc comme s'ils étaient pharmaciens ou médecins. On va faire appel au statut, troisième élément, de la personne, celui qui parle à un statut. C'est le pharmacien qui dit que tel dentifrice est plus efficace pour prévenir la carie. Ok, c'est un élément, je ne vous dis pas ce qu'il y a dans le dentifrice, mais c'est un pharmacien qui le dit. Donc si c'est un pharmacien ou un dentiste qui le dit, c'est vrai. Ou le nombre de sources. C'est pour ça que dans certains produits, certaines campagnes de communication, de publicité, plus particulièrement, par exemple, pour des produits, des crèmes de jour, des crèmes de nuit, etc. On rajoute 3-4 sondages en disant un sondage pour une femme, amélioration significative auprès de 78% des femmes interrogées après 3 jours d'utilisation du produit, etc. Où la chute des cheveux s'arrête chez 85% des personnes, etc. De nombre de sources. Donc, crédibilité de la source sont des éléments périphériques. Les éléments périphériques peuvent être liés au message. Le nombre d'arguments. C'est pour ça, par exemple, quand on presse souvent, on fait des annonces pleines pages, pleines de textes. Il ne faut pas croire qu'une annonce pleine de textes n'a aucun impact. Souvent, c'est l'inverse. On ne lit pas le texte. Mais le fait qu'il y ait un grand texte, un long texte, donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le produit. Donc, c'est certainement crédible parce qu'on tire tellement de choses qu'on dit dessus. C'est que je ne le lis pas, mais ça donne l'impression d'être quand même solidement charpenté. C'est d'ailleurs l'apanage de certains programmes de partis politiques en France, enfin de certains candidats à la présidentielle en France, de présenter des programmes en 144 points, etc. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y en a 144, donc ça fait beaucoup, ça fait sérieux. Ça, c'est le nombre d'arguments. La répétition, et on verra ça en média planning, le fait de répéter la même chose. Pourquoi est-ce qu'un spot TV est répété autant de fois? Pourquoi est-ce qu'on diffuse un spot TV 40 fois? Parce qu'à force de répéter, ça finit par marquer. Donc la répétition est une source, est un argument périphérique sur lequel, là, on peut jouer en tant qu'expert, puisque vous avez le contrôle de vos plans de communication. Le layout, ça va bien utiliser Photoshop et faire des layouts percutes qui percutent, mais ça peut avoir une influence sur les comportements des individus. Et alors le produit, il y a des éléments périphériques qui sont liés au produit, tels que le prix. Un prix élevé est synonyme de qualité. Les sacs d'Elvo sont chers, ils coûtent cher, mais puisque c'est cher, c'est bon, c'est probablement bien. Donc le prix est un indicateur de qualité. Si c'est pas cher, c'est peut-être pas très fiable. Mais à partir du moment où c'est cher, ben voilà. Donc certaines marques jouent là-dessus. Le design. Je parlais du téléphone, de la forme du téléphone du Nokia 3310 et des couleurs. Le design est un élément périphérique. Et le pays d'origine. Les voitures allemandes ont une réputation de solidité parce qu'on dit tout ce qui est allemand est solide. On n'a pas de preuve tangible, enfin, souvent on n'a pas la preuve tangible, mais c'est probablement vrai, il y a certainement des éléments. Mais il suffit de dire que Opel a joué là-dessus dans ses campagnes de communication en France, en faisant jouer des acteurs qui avaient un accent allemand. C'était immédiatement associé à la technologie allemande. Et d'ailleurs, la signature des messages faisait référence à la technologie allemande, source de fiabilité. Donc, le modèle heuristique, qui est reproduit, que je viens de vous exposer ici, joue sur cette dimension périphérique du traitement d'informations, et je viens de vous donner un aperçu des critères qui peuvent jouer dans ce type de discours et dans ce type de traitement d'informations. Voilà, je vais vous libérer pour ce aujourd'hui, je vous vois jeudi à la semaine prochaine, et nous continuerons notre exploration